Aujourd'hui, on va travailler quelques-uns sur l'écriture dans le cinéma d'animation. Sur le cinéma d'animation, pardon, on parle beaucoup en ce moment d'écriture dans le cinéma, pour le cinéma d'animation, de séries, comment on écrit un court-métrage. Xavier Cottepor viendra nous parler de l'abbaye de Fontevraud notamment et des résidences. Donc on parlera un peu de ça et c'est très à la mode en ce moment, l'animation marche de plus en plus, donc on se demande sur ces problèmes d'écriture. Moi j'ai voulu me poser un autre problème qu'on a commencé notamment avec l'un des invités qui va venir sur au FICAM, donc à Meknès, sur l'écriture. Ben voilà, comment on écrit pour le cinéma d'animation? Je répète toujours cette anecdote que je trouve intéressante. Florence Millaille me racontait, la réalisatrice, donc peinture animée célèbre française, me disait qu'un jour elle était dans un ascenseur avec une personne qui allait faire sa conférence. La conférence, c'était une conférence sur son travail. Et elle se retrouve avec cette personne qui s'annonce, qui dit, ben voilà, je suis journaliste au Cahier du Cinéma et c'est moi qui vais faire votre conférence, qui vais vous interviewer. Et donc, Florence m'a dit, ben, merci, enfin, ben, j'ai hâte qu'on travaille ensemble. Et puis, d'un seul coup, la personne la regarde et fait, mais je crois que je ne pourrais pas faire cette conférence. Donc, un peu paniqué, on était à un quart d'heure, elle fait, mais pourquoi? Et elle fait, mais moi, je ne comprends pas, je sais pas ce que c'est que le cinéma d'animation. Et Florence Mia, elle la regarde et fait, mais vous êtes au Cahier du Cinéma, vous savez ce que c'est que le cinéma? Elle fait, oui, mais je ne sais pas votre art, enfin, votre travail à vous, je ne sais pas du tout. Et fait, mais pourtant, il y a bien des mouvements de caméra, il y a du son, il y a des choses comme ça. Et. Voilà, et en fait, la conférence s'est faite, c'est très bien fait, la personne a été parfaite, mais voilà, sur le coup, il y a eu cette angoisse de on ne peut pas parler cinéma de la même manière, cinéma d'animation. Donc on va voir un petit peu ce matin avec trois invités, ben voilà, pourquoi il y a cette difficulté d'écrire sur le cinéma. Donc vous savez qu'en cette année québécoise, on est obligé d'inviter toujours un Québécois. C'est une obligation dans chacune des rencontres, sinon après on n'est plus accepté au festival. Donc j'ai demandé à Marco de Blois de venir autour de cette table. Ilan Nguyen et Francis Gavel, et je vais vous les présenter. Tous les trois voulaient bien venir donc autour de la table. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Pas évident d'être venu. Alors. Peut-être, c'est pas évident, peut-être normalement j'avais demandé que Pascal Vimney et Bernard Jeynin, deux grands personnages de l'écriture en France, vont venir. Vous savez que c'est pas toujours évident au niveau des horaires, donc voilà. Je sais pas si ça marche, mais ça marche. Marco Deblois, il est programmateur et conservateur, notamment Cinémathèque québécoise. Il organise les sommets du cinéma à Montréal. Et est-ce que j'ai bien lu, prof à Concordia aussi ou... Oui, à l'occasion, oui. Ouais. L'histoire du cinéma, d'animation. Donc, Ilan Nguyen, si vous êtes déjà venu, vous le connaissez, c'est aussi quelqu'un qui travaille sur l'histoire du cinéma. Il est plus connu pour le cinéma d'animation japonais, mais c'est quelqu'un qui aime le cinéma en général et qui travaille beaucoup et qui connaît bien tout ce qui est écrit. Et Francis Gavel est quelqu'un qui a une émission sur Radio Libertaire et il a été pendant longtemps le sélectionneur l'un des sélectionneurs de la semaine de la critique à Cannes, où il est sélectionné notamment où il a beaucoup fait pour le court-métrage d'animation, ce qui n'était pas toujours facile. Je dois répondre tout de Ouais, suite. première question en fait. Alors, non, première question par rapport à chacun vos parcours. Ouais, Francis, par rapport à la semaine de la critique, c'est encore une fois, c'est pas pour évidemment être provocateur, mais est-ce que tu as ressenti cette difficulté à parler d'animation avec les autres membres de la semaine de la critique des sélectionneurs? En fait, donc j'ai été à la semaine de la critique de 2001 à 2011. Et moi, quand je suis arrivé, évidemment, c'est la première fois, je ne pensais pas que je travaillerais pour Cannes et tout ça. Donc, la première année, j'ai un peu suivi le train, quoi, comment se faisait la chose. Et j'ai remarqué rétrospectivement que dès la première année, en fait, donc à l'époque, on avait sept courts-métrages en compétition qui passaient en première partie des longs. Et déjà, il y avait trois films d'animation. Il y avait un film de Supinfocom, il y avait un film de Bruno Collet et puis un Bill Clinton. Mais moi, je ne savais pas du tout. Déjà, je ne savais pas qui était Bill Clinton, des tas de choses comme ça. Donc, il y avait trois films d'animation. Bon, ben, ok. Et je me rappelle qu'une des premières questions aux étudiants de Supinfocom, parce qu'il y avait des petites tables rondes, donc je fais un peu style cahier du cinéma, je ne connais pas l'animation, tout ça, machin. Mais pourquoi vous faites de l'animation? Vous avez peur de travailler avec des acteurs? Et tout de suite, ils m'ont répondu et tout. Parce que moi, je me suis dit, ouais, c'est un truc, ça y est, de geek, d'introverti et tout. Donc, ils font de l'animation. Voilà. Donc, ça, je commence très fort comme ça. On sait que je ne connais rien à l'animation. Mais non, mais non. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, les sélections, les années de sélection avancent. Et puis en 2004, c'est une année un peu particulière parce que là, c'est l'année où enfin Dieu me parle et j'ai la révélation de l'animation. Ah, voilà. Voilà. Et notamment, alors moi aussi je fais bien pour cette année, il y avait un film canadien. Et donc cette année-là, sur sept films en compétition, on voit, on retient trois courts-métrages. Et les trois courts-métrages, pour moi, n'étaient pas des moindres. Il y avait Signe de vie d'Arnaud de Muynck, L'homme sans ombre de Georges Fitzgibbon et Ryan de Chris Landreff. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais il y a un territoire incroyable. Que je ne connais pas, qu'il faut absolument que j'aille voir. Parce que jusqu'à présent, bah, l'animation, voilà, c'était Disney, un petit peu, là, Ilan va me regarder sûrement avec des gros yeux, un petit peu Miyazaki quand même. Et puis, parce qu'on est en France, bah, Paul Grimaud, quoi. Parce que je l'avais vu. Et voilà, et là, de fil en aiguille, bah, effectivement, ça a été de mon envie de me battre, j'étais à l'époque coordinateur court-métrage, donc de me battre pour le cinéma d'animation, mais en même temps j'ai envie, je dis ça, et ça ne veut pas dire que je négligeais la prise de vue réelle, parce qu'à la même époque, bah, on a mis en place une séance de moyen-métrage, parce qu'on estimait qu'on accompagnait la production, principalement française, mais l'envie, voilà, des réalisateurs, des scénaristes, de travailler sur des histoires plus longues. Mais en tout cas, voilà, sur l'animation, ça a été ensuite présenté, SkickDesign ou Madame Toutes-les-Poutelies, par exemple, quoi. Mais est-ce que, en effet, par rapport aux discussions qu'il y avait avec tes autres camarades, est-ce qu'il y avait des fois la difficulté de dire, ben, toi, tu t'y connais plus en animation choisie, nous, on dit rien. Je sais que, par exemple, au CNC, c'est un peu ce qui se passe avec des gens. Ben, Franck Dion, Café Lecteur, racontait, par exemple, que des fois, on lui disait, bon, là, c'est un film d'animation, c'est toi qui t'en occupes. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas en parler, on n'en sait rien, c'est toi. Et est-ce qu'il y avait cette problématique-là aussi avec toi, une fois que tu t'es mis un peu plus dans cette peau de spécialiste du cinéma d'animation à la semaine de la critique? Alors, à l'intérieur du comité de sélection, avec les gens avec lesquels je travaillais à l'époque, qui étaient Cécile Giraud, Bernard Payen, j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas de problème. Par exemple, à contrario, je pourrais dire Cécile Giraud est une grande spécialiste du cinéma expérimental. Et moi, dès qu'on avait un film expérimental, je me tournais vers elle en me disant, tu m'expliques, tu m'apprends et tout. Et je me rappelle que quelques années après, j'étais dans un jury à Aix-en-Provence. Et dès qu'il y avait un film expérimental, on me disait, tu nous expliques ce que ça veut dire? Bon, bah d'accord, ok. Donc non, c'est vrai qu'on était bah, très ouvert, avec aussi des points de vue très tranchés, des discussions vives autour des films. Cécile Giraud aimait et aime toujours beaucoup Rostow. Et puis Bernard Payen était plus circonspect face à Rostow. Enfin, voilà, donc, et finalement, on a présenté Rostow. D'un seul coup, j'ai un trou sur lequel film on a présenté, mais ça reviendra sûrement en cours. Et voilà, donc il y avait une vraie circulation. Et on était là, finalement, ce que tu disais au début, on était là pour parler cinéma. Et juste pour finir, parce que quand même, je vais laisser la parole, là, le film que tu viens de nous montrer, par exemple, je me suis dit, mais justement, si on avait à en parler, dire bah, y a-t-il un critique dans la salle? Alors justement, Francis Gavel, vous avez quelque chose d'intelligent ou au moins un petit peu pertinent peut-être à dire. Je me dis que ce qui est intéressant dans le film, dans ce documentaire qui travaille vraiment les deux, c'est que la prise de vue réelle, là, elle est finalement le constat d'une difficulté à faire évoluer les choses et puis à nous inscrire aussi dans le quotidien du pays. Et que j'ai senti que pour moi, l'animation, avec la virtuosité qu'il y a dans la peinture animée, c'était ici pour donner la dynamique d'un combat et le dynamisme d'une femme, quoi. Donc voilà, après on parle de cinéma avec des outils peut-être plus spécifiques que je ne maîtrise pas forcément, mais on parle de cinéma. C'est pas mal, j'aurais dû faire ça en effet. Top critique. Attention, vous êtes tous les trois, on regarde un film et vous venez, vous faites lequel a fait la meilleure critique. Merci, Francis. Critique Académie. Voilà, c'est ça, c'est ça. On fera ça après. Marco, toi, au niveau, on va sortir, on sortira, sortirai, j'ai quelques livres là, l'un des livres peut-être les plus connus qui vient de Québec, et c'est vraiment parce que c'est le nouveau directeur artistique, c'est le langage des lignes. Pardon? Ah, d'accord. Peut-être que je pète un peu plus fort, non? Je sais pas. Ouais, je peux parler très fort, donc ouais. Le langage des lignes, donc de Marcel Jean, qui est un livre vraiment de théorie. J'ai fait mes études en cinéma à l'Université de Montréal, donc un parcours théorique. On avait quelques cours de production en prise de vue réelle, mais c'était essentiellement une formation théorique. Je m'intéressais aussi à l'histoire de l'art à l'époque, encore maintenant. Et j'ai eu donc Marcel Jean comme prof d'histoire de l'animation. Et ça a été pour moi donc une révélation. Et le livre de Marcel, en fait, s'inspire beaucoup de l'enseignement qu'il donnait à l'époque. Et donc, j'ai développé un intérêt pour l'animation, mais en dilettante. J'avais eu donc ce cours à l'Université de Montréal. Je me suis intéressé donc à l'animation par moi-même en essayant de voir le maximum de films, en allant à la Cinémathèque québécoise voir des films d'animation. J'écris aussi pour la revue de cinéma 24 images, donc une sorte de cahier des cinémas, une sorte de cahier du cinéma, mais québécois. Alors donc, j'ai critiqué quelques films et petit à petit, ça m'a mené donc au poste de programmateur conservateur du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise. Et la Cinémathèque québécoise, bon, c'est l'équivalent de la Cinémathèque française. Cela dit, c'est une petite boîte, on est environ 40 employés. Alors, notre directrice générale aime dire que je suis à la tête du département d'animation, mais le département d'animation, c'est moi. Et uniquement moi. C'est une situation assez particulière dans la mesure où, effectivement, je suis tout seul à m'intéresser à l'animation à la Cinémathèque, à part mes collègues archivistes, mais bon, qui collectionnent des objets, mais qui n'ont pas vraiment nécessairement une connaissance historique, théorique et esthétique de l'art de l'animation. Mais bon, moi, comme programmateur, comme historien, je m'intéresse à l'animation. Je me sens assez seul, mais le magnifique effet pervers de la chose, c'est que ça me laisse une liberté à peu près absolue en termes de programmation. C'est-à-dire que je peux arriver dans une réunion de programmation et dire, alors on va éviter, par exemple l'année dernière, les vœux de Reagan. C'est qui? Vous allez voir, c'est formidable. Et donc, des vœux des venus, ça a été un succès. Puis donc, c'est ça, c'est une situation assez particulière. Mon travail, cela dit, bon, m'amène à vivre assez près des gens de l'animation, des gens de l'animation à Montréal. Donc, j'ai des rapports d'amitié assez forts parfois avec les gens du milieu. Et pour pouvoir exprimer un discours critique sur les films, ça peut amener certaines difficultés. L'animation, c'est un petit milieu et donc cette proximité parfois peut faire en sorte que c'est plus délicat de porter un regard juste et rigoureux sur les films. Juste Marco, pour finir sur la Cinémathèque québécoise, parce que tu dis c'est un peu la même chose que la Cinémathèque en France, par rapport à l'animation, il y a une vraie. Il y a eu Marcel Jean avant, il y a eu Louise Baudet Oui, Louise avant, qui Baudet, était très importante, et donc il y a voilà, un fil conducteur quand même depuis des années en fait à la Cinémathèque québécoise sur l'animation. oui. Ouais, je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait l'équivalent à la Cinémathèque française, mais c'est nous, chez nous, c'est pour des raisons historiques et culturelles. L'Office national du film a été fondé à Ottawa, et donc la capitale du Canada, et il a déménagé à Montréal en 1957. Donc les Norman McLaren, René Jodoin, Grant Munro ont déménagé à Montréal à la même occasion. L'animation française à l'ONF a été fondée en 1967 par René Jodoin. Alors ça a permis donc à une génération d'artistes de devenir animateurs. Ça a créé une effervescence de l'animation à Montréal, et le fondateur de la Cinémathèque québécoise, Guillaume Côté, était lui-même un amateur d'animation. Alors, dès les débuts, la Cinémathèque a consacré une part importante de ses activités au cinéma d'animation. Et en 1967, la Cinémathèque, qui s'appelait à l'époque la Cinémathèque canadienne, a mis sur pied la rétrospective mondiale du cinéma d'animation, un événement majeur qui s'est déroulé à l'Université Concordia en 1967, durant l'été. Ça a été un immense conventum auquel des dizaines de réalisateurs importants de l'époque ont participé. Otto Messmer, Len Lai, Chuck Jones et plusieurs Canadiens, bien entendu. Et donc, ça a été un événement majeur qui a, je crois, marqué l'histoire de la Cinémathèque et qui nous a permis d'ailleurs de constituer les bases d'un fonds d'archives consacré à l'animation. Et donc, je suis un peu l'héritier de cette effervescence des années 60. Et toute cette effervescence a été importante, puisque finalement, moi je me rappelle, j'ai fait mes études un an à Concordia, où j'avais Ah oui. l'histoire du cinéma d'animation déjà, alors qu'ici, par exemple, dans des écoles, on va dire, qui font de la prise de vue réelle, il n'y a quasiment aucun cours sur l'animation. Il faut être dans des écoles d'animation, alors que déjà au Canada, et donc en tout cas à Concordia, il y avait, y a des cours comme ça. C'est en quelle année tu as suivi ton cours à Concordia? Par Mmh. curiosité, est-ce que c'est Bob Belgiudici qui donnait le cours? Oui, tout à Oui, fait. Et c'était il y d'accord. a ouf, vingtaine d'années. Oui, d'accord. Ah, c'est ça, je pense que les raisons, comme je le disais tout à l'heure, sont culturelles et historiques. C'est à cause de la place de l'animation, la place que l'animation occupe chez nous. Il ne faut pas croire que tous les gens à la maison regardent des films d'animation au souper, à la télé, là, c'est pas vrai. Il y a quand même une culture donc, d'animation qui... Oui, c'est ça. Et donc, il y a néanmoins une culture donc, qui permet à l'animation d'occuper une certaine place dans la formation universitaire. Juste d'avoir un réalisateur comme McLaren à l'ONF qui a aussi beaucoup réfléchi sur le cinéma d'animation, c'est quelque chose, une figure comme cette, d'ailleurs c'est très important aussi. Ouais, ben oui, McLaren a été donc le théoricien de son propre travail, donc déjà il y avait une réflexion. Pierre Hébert est d'ailleurs un héritier de Norman McLaren à cet égard, parce que Pierre Hébert a également beaucoup écrit sur l'animation, donc oui, en effet, et cela s'est probablement répercuté dans les écoles. Alors, je vais en profiter pour demander une chaise en plus. Merci, j'ai demandé, quand la chaise arrivera, avec Xavier Autoport qui vient d'arriver, de venir nous rejoindre. Ilan, je vais pour l'instant te laisser dans ton rôle. Je sais que, voilà, au niveau du Japon, parce qu'on va faire un petit tour. Toi, au niveau du Japon, est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a des théoriciens? On sait que nous, en tout cas, pour le peu qu'on connaisse, Kisao Takahata, grand réalisateur, travaille et écrit beaucoup. Il a écrit sur Frédéric Bach, il a écrit sur des textes qui ne sont malheureusement pas traduits en français. Est-ce qu'il y a une tradition au Japon, ou pas tant que ça, de l'écrit sur le cinéma d'animation? C'est possible de tracer des parallèles. Il y a, on trouve dans le cours, l'évolution des discours sur l'animation au Japon, un certain nombre de points communs avec ce qui se passe dans d'autres pays. On a un équivalent, par exemple, évidemment, de quelqu'un comme André Martin, c'est-à-dire un critique qui écrit sur le cinéma et qui vient à l'animation, enfin, voilà, de manière très, très forte, mais en lien avec le cinéma, sans jamais opérer de césure. Dès les années 1960, où il y a le premier bouquin, donc Animation New Monde, donc Introduction au cinéma d'animation, qui est issu de parutions dans des revues de cinéma. Il y a ensuite des historiens purs, des historiens qui écrivent un petit peu à la manière, d'ailleurs on pourrait discuter de ça aussi en termes de sens, mais à la manière un peu de Bendadi, disons, des histoires qui sont un peu comme ça ouvertes, du cinéma d'animation. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs, mais je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à comparer ce que font des gens comme Takahata à cette dimension flexible, justement, qu'évoquait Marco à propos de gens comme McLaren ou comme Pierre Hébert. C'est-à-dire que Takahata a écrit sur des cinéastes d'animation, il n'a pas spécialement écrit sur la théorie, il n'a pas théorisé son propre cinéma, il a écrit un petit peu sur différents aspects, sur d'autres réalisateurs qu'il a analysé, mais ce n'est pas exactement la même chose que d'analyser son propre cinéma. C'est-à-dire, c'est quand même, c'est plutôt une manière de réagir effectivement en termes esthétiques, en termes au-delà de cela, même peut-être en termes de démarche la plus foncière, mais on ne théorise pas de la même manière le travail d'autrui et le sien. Je pense que c'est vraiment... Est-ce que quelqu'un comme Yamamura Koji récemment, qui on sait être un féru d'animation, qui travaille, qui réfléchit beaucoup hein, sur l'animation mondiale, est-ce que c'est quelqu'un qui écrit par exemple ou, Oui, Yamamura écrit un petit peu, c'est vrai, effectivement, il a notamment sur son site une partie, donc type un peu blog, où il a passé de plus d'une dizaine d'années, il a souhaité vraiment présenter justement le blog, c'est les animations inconnues, c'est le titre de ce blog, donc il présente des choses qui sont au Japon évidemment totalement inconnues, que lui a pu voir en festival, etc. Donc à la fois les réalisateurs disons historiques ou de l'ordre du patrimoine, et puis les productions les plus contemporaines, les jeunes réalisateurs, etc. Enfin, donc il mène une action de l'ordre de la vulgarisation, disons, et ça se retrouve dans différents... écrits qui sont les siens par ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, on lui a demandé de faire un petit livre qui serait l'équivalent d'un Que sais-je, par exemple, chez nous, dans une collection comme ça de petits livres de poche d'un grand éditeur, une collection comme ça qui met le savoir à la portée de tous sur le monde de l'animation. Donc voilà, il se situe dans une démarche qui consiste à identifier sa position dans un système qui est beaucoup plus large. Mais là, on est dans une autre démarche. C'est-à-dire que, bon, Yamamura, bien sûr, est cinéphile et relie son travail aussi au cinéma, mais moi, il me semble que l'un des problèmes en jeu dans la critique, dans les discours qui portent sur le cinéma d'animation, c'est qu'à un moment donné, on se coupe du cinéma, effectivement. Il y a un démarrage qui est commun, et puis, à un moment donné, c'est cet effet un peu du village gaulois, je sais pas trop, enfin retranché, une espèce de petite communauté là, qui se retrouve plus ou moins refermée sur elle-même. Et donc, ce qui se passe dans le cinéma en termes de finalement de capitalisation, enfin de comme ça de stratification, où il y a des choses qui se transmettent, qui s'accumulent et qui permettent effectivement des avancées, mais ça se passe beaucoup moins nettement dans le cinéma d'animation. Et j'ai l'impression du coup qu'on a une sorte de retard, presque de l'ordre de, je ne sais pas si c'est une ou deux générations, on a l'impression d'être aujourd'hui, à l'égard du cinéma d'animation, alors que les choses changent énormément, dans une situation à l'égard de ce médium-là, qui serait celle du, à l'égard, enfin, de cet engouement à l'égard du cinéma, qu'il y a eu par exemple après la guerre ou dans ces années-là, quoi. Et donc, ça fait un décalage peut-être, je sais pas, de 40 ans, de 50 ans. Alors, je sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, il y a vraiment, on est à deux étages différents, quoi, sans parler d'ascenseur. Mais... Mmh. On va juste revenir là-dessus. Il y a une dernière question sur, en allant à la cinémathèque, en tout cas au musée, il y a un musée à, oui. Voilà, à Tokyo. J'étais surpris de voir que justement, Tezuka pouvait être à côté de Kurosawa, par exemple, alors que nous, en la cinémathèque, par exemple, française, on a juste une petite lettre de Truffaut à McLaren, oui, en disant à quel point il est génial, et puis c'est quasiment tout. Oui, Marco disait que je prenais les seuls tout à l'heure. Il y a l'écran d'épingle aussi. Et maintenant, c'est récent. Oui, c'est très, très, très récent, oui. Mais la cinémathèque, il n'y a personne qui se sent seul, effectivement. La cinémathèque française, on a encore à démarrer de zéro, quasiment, effectivement. Au effectivement, au 7e étage, dans l'exposition permanente, il y a des choses, mais ça c'est lié toujours effectivement à l'histoire de la constitution des fonds de ces archives filmiques. Hein. Il y a le grand titre de Fuji, effectivement, il y a quelques éléments en semi-volume du travail d'Okamoto Tadanari. Il y a quelques images d'un long métrage du Tezuka, effectivement, un ou deux films de Toei, de long métrage de Toei. Mais tout ça, c'est vraiment lié. Ce qui a mené au film 7 heures au Japon à partir de 71, en fait, si on regarde l'histoire des projections qui commencent dans les années 50, il y a déjà une émission qui se montrait de manière sporadique. Voilà, il y a des moments où il y a une projection, voilà, un cycle, quelques dessins animés. Et puis, régulièrement, ensuite, à partir de la fondation du début du centre en 71, il y a très vite, effectivement, un cycle sur le cinéma d'animation mondiale. En 71, c'est un petit peu une période charnière. Ensuite, il y a un cycle sur l'animation japonaise en 78. En 88 et puis le dernier en 2004. Donc c'est cyclique, mais je pense qu'on trouve des cyclicités similaires en France et dans d'autres domaines. En France, il y a eu en 2007 le grand cycle des archives du film sur du processus de Stop, qui était une sorte de grande première. Mais donc voilà, il y a des moments comme ça qui sont d'articulation dont on peut retrouver des équivalents, je pense, dans les différents parcours. Xavier Kaotopor, donc David Fontevraud, qu'on verra, qui va nous parler, qui donc. Il y a tout un grand travail sur l'écriture, comme je disais, dans le cinéma d'animation. Hein. Est-ce qu'il y a une envie, à un moment donné, tu t'es posé la question de l'écriture sur le cinéma d'animation, justement? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que ça va de pair, en réalité. La réflexion sur l'écriture en animation, c'est-à-dire comment un réalisateur passe, un auteur passe l'idée au projet, mais obligatoirement en jeu, justement, ce qu'on parlait là, c'est-à-dire l'aspect réflexif sur son propre travail. Et ça va de pair, effectivement, avec, par ailleurs, la nécessité d'avancer, pardon, sur la question de l'écriture, sur l'animation. Ce sont deux choses complètement contiguës, en fait, qui, à mon avis, permettent de reposer une question essentielle pour le cinéma d'animation, c'est d'être considéré comme un cinéma en tant que tel, c'est-à-dire de faire de l'écriture et de la mise en scène l'affaire principale. Parce qu'on a longtemps tourné un petit peu autour du pot, hein, c'est-à-dire en trivialement, même si quand je dis ça, je mets à l'écart à la fois des chercheurs, des passionnés du cinéma d'animation, mais j'ai dans une attitude un petit peu commune, on a longtemps présenté l'animation en gros par la technique, par les budgets, par le public, hein, en oubliant effectivement que l'animation c'est du cinéma, si c'est du cinéma, c'est qu'on a fait, c'est l'écriture et la mise en scène. Voilà, donc c'est ce. On ne le fait pas encore à Fontevraud, je pense qu'il faudra qu'on le fasse à un moment donné, peut-être. Mais c'est compliqué parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a des pièces un petit peu éparses du peuple, c'est-à-dire qu'il y a en réalité, aujourd'hui, on a commencé à identifier les différentes personnes qui, tout au moins dans la francophonie, écrivent sur l'animation, parce que je pense qu'il y a quelque chose de différent qui se joue dans d'autres langues. Donc on a commencé à recenser un certain nombre d'auteurs qui écrivent des articles, des bouquins, qui écrivent aussi dans le champ de la critique. Une simple chronique d'une sortie. Donc, déjà, les identifier, il y en a un certain nombre, il y en a de plus en plus. Peut-être que la première des choses, c'est effectivement peut-être de mettre en commun ces différentes pièces du puzzle pour voir de quoi on parle, ensemble, qui travaille sur quoi, et comment éventuellement on pourrait s'organiser progressivement un travail en commun, en tout cas une organisation de ce travail dans l'hypothèse effectivement qui me semble intéressante, c'est-à-dire de fonder une forme de mémoire de l'écriture sur le cinéma d'animation, qui me semble être un des premiers. C'est ce que j'ai très frappé, je suis pris, excusez-moi la discussion en cours, mais j'étais très frappé par ce qui s'est dit, notamment par le fait que, oui, on a l'impression d'être perpétuellement, peut-être maintenant, mais perpétuellement dans le mouvement des années 50, dans le mouvement des années 60, on rejoue cette forme d'engouement perpétuel, alors que, qui est une forme de juvénilité, si j'ose dire, hein, de fascination pour un certain nombre d'outils nouveaux, on a l'impression de redécouvrir à peu près la poudre tous les ans. Je crois que ça tient beaucoup par le fait qu'il y a, contrairement au cinéma en image réelle, pas suffisamment de références communes, de références d'histoire, de références esthétiques communes. Je pense que dans le champ de l'image réelle, il est assez facile de mettre autour de la table des réalisateurs, des producteurs qui se respectent, et de se mettre d'accord sur quelques noms, quelques termes, quelques... pour tout le monde, Hitchcock est un grand réalisateur, et pourquoi voilà. Je pense que la même chose dans le domaine de l'animation serait beaucoup plus compliquée. Alors, il y a plein de questions, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on va... qui permettent bien sûr. De se dire, voilà... Alors deux petites choses, je vais rebondir sur quelque chose que tu dis, parce que juste avant cette rencontre à Paris, j'ai rencontré donc Georges Chifianos, grand théoricien d'animation, et en effet il y a cette volonté, on voulait peut-être l'annoncer là, mais ça n'a pas pu se faire, de faire un site qui regroupe tous les gens écrivant en français, qui au moins, en le travaillant et en disant chacun, les spécialités aussi de chacun, et donc c'est quelque chose qui peut-être pourrait se faire peut-être à la rentrée ou donc il y a vraiment cette volonté là en effet menée par Georges Chifianos de fédérer un petit peu au moins déjà les gens qui écrivent, donc ça c'est une bonne chose, c'est une chose importante, et ce qui m'intéresse aussi de te poser comme question, c'était par rapport à ce qui se faisait avant la Baie de Fontevraud pour toi au Forum des Images, et notamment parce qu'Ilan est aussi à côté, vous disiez le catalogue de nouvelles images du Japon, et on sentait dans chaque texte ça reste, il y a des catalogues qui restent et qu'on regarde, dont on regarde les textes. Est-ce que pour toi... Ça, c'est la faute d'Ilan. Oui, mais est-ce que c'était important quand on fait un festival? Ce qui peut-être revient, ce qui manquait un petit peu au festival ces quelques années où il n'y a plus de journaux, il n'y a plus... Avant, quand on venait à Annecy, par exemple, à chaque rétrospective, il y avait une double page, où on nous expliquait au moins un peu ce qu'on allait voir, ce que va faire Marco avec Robert Morgan, par exemple, en présentant au moins la séance et ce genre de choses. Est-ce que là, pour toi, au Forum des Images, avec Nouvelles Images du Japon, c'était important d'accompagner avec de l'écrit chaque séance? Oui, quand je dis que c'est la faute, c'est grâce à Ilan, évidemment, c'est lui qui a tenu à cela, qui m'a convaincu de ça assez rapidement. D'ailleurs, parce que moi, ne connaissant absolument pas la langue japonaise, j'avais une barrière terrible pour parler des films, c'est que je n'avais absolument accès à aucune source. Donc, de toute façon, pour écrire quoi que ce soit, il fallait d'abord passer par Ilan, qui devait déjà traduire un matériau de départ. Donc effectivement, en faisant ce festival qui avait pour but de faire connaître l'animation japonaise en France, ça allait de pair finalement avec le fait de mettre à disposition des personnes qui suivent le festival, mais aussi beaucoup après, des informations qui manquent totalement en France, des informations et puis un point de vue. Donc ça, c'était un travail vraiment fondamental et Ilan, on en a discuté de part en se disant l'important, c'est de poser des jalons et des pierres. Voilà. Et on a construit effectivement le catalogue au maximum comme ça, tout en composant avec ce qu'est un catalogue de festival, c'est-à-dire aussi avec d'autres paramètres qui sont, on va dire, plus volatiles. Hein. Mais on a essayé de faire ça. Moi, je voulais vous parler aussi, on va parler à propos de ça, d'une autre expérience que je mène de temps en temps en écriture, qui est celle et qu'on a menée aussi avec Ilan sur certains aspects, qui est celle des cahiers de notes du dispositif scolaire École et Cinéma, et que j'aborde lorsque je le fais, et on a fait un ou deux numéros ensemble avec Ilan, exactement de la même manière, en se disant, certes, ce sont des documents qui sont édités par le CNC et l'Éducation nationale et qui ont vocation à accompagner les films. auprès des enseignants, les films qui sont visibles, enfin, qui sont présentés aux enfants dans le cadre d'un dispositif scolaire. Et finalement, ce sont des cahiers qui sont à chaque fois des monographies, hein, finalement, de films. Et il s'avère que comme on est dans le champ du jeune public, il y a beaucoup de films d'animation. Et donc régulièrement, je fais partie des auteurs qui travaillent là-dessus. Et donc ces cahiers pédagogiques, j'essaye de faire en sorte au maximum que ce soit effectivement là aussi des jalons. C'est-à-dire, parce qu'en gros, quand vous faites un cahier de notes sur Karel Zeman, une fois que vous avez épluché les dossiers de presse des aventures fantastiques en langue française, il n'y a rien. Donc on se rend compte que finalement on fait œuvre utile en allant, en faisant le travail qu'on a fait finalement dans le cadre du festival d'animation japonaise, c'est-à-dire en allant rechercher les sources tchèques, en faisant ce travail finalement qui excède vraiment le seul accompagnement didactique pour effectivement poser un jalon d'une étude monographique un petit peu, enfin qui sert à la connaissance de l'animation. Donc, finalement, oui, je crois qu'un petit peu par défaut, hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de projets éditoriaux qui existent, peut-être par défaut, mais je crois qu'il est important de saisir chaque occasion que l'on a de publier pour faire avancer la cause. Alors oui, c'est drôle, on a vraiment l'impression en vous entendant tous que voilà, c'est les champs d'accès sont très limités, on a l'impression. Il y a vraiment très peu de possibilités d'écrire, finalement, en festival ou alors quand il y a des rétrospectives, ce genre de choses. Il n'y a pas grand-chose, mais je suis toujours surpris. Alors, il n'y a pas énormément d'auteurs. On a Chris Robinson dans un style un peu particulier, franc-tireur en anglais. Paul Wells, qui fait pas mal de livres. Il y a des livres, notamment de Maureen Furniss, qui sont écrits par plusieurs personnes, hein, Animation Industry par exemple. Et en France, on a l'impression, alors il y a le livre de Marcel Jean, on a l'impression que c'est presque très vieux. Est-ce que en effet, il y a Hervé Joubert-Laurencin, La Lettre Volante, et bien sûr André Martin, les écrits d'André Martin, volume 1, donc il devait normalement y avoir un volume 2. Nicolas Tisse n'a pas pu venir, et en effet il travaille sur, il nous expliquait hier sur le fond, André Martin. Qu'est-ce qu'il fait et le texte de Georges Stifianos. Et il y a donc le texte de Georges Stifianos. Il y a enfin des choses qui arrivent un petit peu. Mais par exemple, je dis souvent quand je fais une conférence sur l'animation, je dis ben voilà, là, si je voulais vous diriger vers un livre d'histoire du cinéma d'animation en français, il n'y en a pas. Il y a le livre de Sébastien Denis aussi qu'on peut citer. Mm-hmm. Mais finalement, de livres d'histoire, alors il y a deux livres qui ont été. Alors, il y a un livre qui a été important, bien sûr, qui est le Cartoons de Gianalberto Bannazzi, bien sûr. Ensuite, avec peut-être plus de réserve, mais qui est intéressant évidemment, avec quelqu'un qui est important, le livre d'Olivier Cotte, sur Était une fois le dessin animé. Celui de René Laloux. Et celui de René Laloux, en effet. Parce que c'est un point de vue. Voilà, mais qui n'est pas tout à fait une histoire. Il y a eu quelques écrits, mais au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui est, à votre avis, pourquoi il n'y a pas aujourd'hui en cinéma d'animation une histoire écrite? Pourquoi il n'y a pas de livre d'histoire du cinéma, et pourquoi il est si peu représenté, comme on disait tout à l'heure, dans le cinéma, dans les histoires de cinéma traditionnel, le livre de prise de vue réelle, pardon. Ilan ? Moi, j'ai le sentiment, par rapport à cette manière de labourer un terrain très très vaste, ce parallèle avec les études du cinéma, on sait le rôle, comment cette histoire-là, là aussi c'est stratifié, c'est enrichi, comment ce champ-là est élaboré. Pour la prise de vue réelle, avec le rôle des revues, avec effectivement une émulation et une capitalisation qui s'est faite au fil des années. On a l'impression en animation que, d'une part, même si d'emblée, effectivement, Jean-Martin Martin traite de l'ensemble de la production mondiale telle qu'il faut l'apercevoir, même si les formes d'Asie, effectivement, visent, et les autres également, donc, visent à couvrir la production mondiale en développement de l'animation, évidemment que ce sont des projets qui dépassent les forces d'une seule personne. Je pense qu'il y a un côté. C'est démesuré là-dedans. Là où, effectivement, ce qui est en jeu dans le domaine du cinéma, c'est cette notion de toutes sortes de personnes qui vont alors créer des polémiques, qui vont en débattre, qui vont faire railler, et donc vont déblayer des terrains. Là, on a l'impression qu'à chaque fois, effectivement, et dans le domaine japonais, c'est en particulier, on a toujours l'impression qu'on est face à une histoire qui reste non écrite, très largement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quand rien ou presque n'est déblayé, on est obligé à chaque fois effectivement de repartir de zéro avec le sentiment de dire que rien n'a été fait auparavant. Or c'est faux, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites auparavant, mais on n'arrive pas à les articuler. On ne peut pas, on n'arrive pas effectivement à creuser, à retrouver effectivement les différentes étapes, les différentes les différents barreaux d'une échelle, on reste à chaque fois sur le premier barreau, le premier, le deuxième, etc. On recommence là où effectivement les choses ont avancé au-delà dans d'autres domaines. Marco, par exemple, est-ce que tu penses, toi, justement, on n'a pas d'historien pendant des années, ça a plutôt été des passionnés du cinéma d'animation, qui peuvent être aussi des auteurs et qui d'un seul coup écrivaient sur le cinéma, mais pas forcément d'historiens qui ont peut-être la capacité à justement chercher toutes ces strates. Oui, il y a énormément de questions qui ont été lancées autour de la table et j'ai des idées qui se bousculent. Bon, je me suis déclaré historien tout à l'heure, mais je n'ai pas une formation d'historien. J'ai développé donc le désir de m'intéresser à l'histoire de l'animation par moi-même, mais je ne fais pas d'histoire scientifique. Je ne suis pas un historien scientifique. Mais on parlait d'André Martin tout à l'heure et j'ai oublié, quand j'ai fait ma présentation, j'ai oublié d'indiquer qu'André Martin, en venant à Montréal, a eu un impact majeur sur le développement, non pas de l'animation, mais des études cinématographiques sur l'animation chez nous. Ça a été un carburant, André Martin. Et André Martin a été le premier à avoir écrit une biographie d'un pionnier de l'animation qui est né à Montréal, mais qui a mené sa carrière aux États-Unis dans les années 1910-1920, c'est Raoul Barré. Raoul Barré, l'introuvable, donc une plaquette qui a été publiée en 1976, si je me souviens bien, pour le Festival d'Ottawa. Et la contribution d'André Martin, même s'il y a beaucoup d'erreurs factuelles maintenant dans ce qu'a écrit André Martin sur Barré, mais maintenant le travail qu'a fait André Martin sur l'œuvre de Barré est formidable et essentiel. Et donc, par l'entremise de cette plaquette, je me suis intéressé aussi à Raoul Barré, à cet homme dont l'histoire est très, très peu connue chez nous. Et à un moment donné, donc, j'ai décidé de partir à la recherche de la descendance de Raoul Barré. J'ai donc trouvé sa nièce. Raoul Barré est décédé en 1932. Sa nièce avait 102 ans quand je l'ai rencontrée. Et elle avait donc chez elle des archives, des dessins, des lettres de la correspondance. Et très tranquillement, très lentement, délicatement, je lui ai dit, Madame Barré, ce serait très important que ces archives soient déposées chez nous, ce qu'elle a fait finalement. Et elle est décédée il y a environ 4 ou 5 ans. Je vous raconte tout ça pour vous dire que donc je serais en mesure d'écrire une histoire probablement plus précise et plus complète que celle qu'a écrite André Martin sur Barré. Mais en même temps, bon, c'est une question d'édition, c'est un modèle économique. Qui va publier un livre sur Raoul Barré? Et la question se pose, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement écrire en anglais? Moi, je suis régulièrement invité à écrire des trucs en anglais sur l'animation, mais je ne suis pas capable. Je suis capable d'avoir une conversation en anglais avec une personne, mais écrire en anglais, et c'est pourtant un phénomène qui semble prendre de l'importance, mais moi, j'aime trop écrire, j'aime trop le plaisir des mots pour me dire « oui, d'accord, je vais écrire un texte en anglais ». Le site web de Georges Sifiana, je ne savais pas, c'était une nouvelle. Bon, c'est une excellente nouvelle. Mais en même temps, bon, je crois que les temps actuels ne sont probablement pas favorables à l'édition d'ouvrages consistants, sérieux et pointus dans le domaine de l'animation. D'ailleurs, chez nous, on a eu pendant longtemps une revue qui a marqué d'une certaine manière les études sur l'animation, c'est la revue d'Asifa Canada, qui est demeurée longtemps une référence, mais bon, Asifa Canada a implosé, et donc la revue est maintenant disponible dans des bibliothèques et des archives, mais la revue n'existe plus. À la Cinémathèque québécoise, on avait une revue mensuelle qui est disparue dans les années 2000. Là, je me permets ici d'être un peu critique à l'égard de mes employeurs. On a fait disparaître la revue. Première raison, pour être éco-responsable, donc pour sauver des arbres. Et deuxièmement, sous prétexte que les jeunes ne lisent plus. Il fallait attirer les jeunes, donc il faut tout mettre sur le web, il n'y a pas de texte. Il faut des images, il faut des extraits. Et je crois que l'abandon de la revue de la Cinémathèque a été une grave erreur, et maintenant on essaie de se rattraper sur le web ou en faisant de l'édition, mais très, très, très petit tirage, des trucs le plus souvent photocopiés. Fait que pour répondre donc très largement à la question d'Alexis, voici donc mon point de vue concernant l'état de choses sur la l'édition. C'est étonnant justement parce qu'en anglais, et si George Chibnall voulait faire ça, c'est par rapport aux animation studies, c'est-à-dire qu'il y a en anglais tout un corpus de gens qui se mettent ensemble justement pour travailler là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'en français, il n'y a pas suffisamment de monde pour justement se mettre, alors que vous avez tout à l'heure disait qu'il y avait quand même pas mal de monde, qu'il fallait évidemment les identifier. Est-ce que surtout il n'y en a pas plus, de plus en plus, on va dire? C'est-à-dire que pendant longtemps, là on a un côté un peu pessimiste de se dire il n'y a rien eu pendant des années. Est-ce qu'aujourd'hui en France, avant de parler, on va parler évidemment de l'édition et puis des lecteurs, mais est-ce qu'il y a un peu plus de chercheurs, d'historiens, un peu plus de gens qui arrivent? On a du travail sur la propagande animée par exemple en France, on a du travail sur des thématiques un peu plus historiennes, on va dire. Est-ce que vous pensez, vous, je ne sais pas, Xavier ou Ilan, qu'il y ait un peu plus d'historiens, un peu plus de gens qui arrivent maintenant sur l'écriture et sur la théorie du cinéma d'animation? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est optimiste et qui veut nous dire un petit mot plus Non, mais ça sera rapide. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a plus. Il y a autant plus de travaux universitaires qui se font. Il y a quelques publications quand même, même si elles sont modestes, notamment chez l'Armatan ou autre, mais il y a quand même régulièrement des études qui sont publiées. Donc j'ai l'impression, oui, que les choses bougent. Alors, au niveau des éditions, on sait, Dreamland a arrêté, il y a pas mal d'éditions comme ça qui essaient. Oui, là. Mais au-delà, je dirais, par rapport à ce que c'est au Marco, la cinémathèque française aussi a cessé toute publication, les cinémathèques, enfin, tout ce qui, de manière très large. On est dans un contexte, effectivement, je pense, de retrait, enfin, de marée basse par rapport à aux études sur le cinéma, peut-être, même s'il y a des livres dans le domaine des œuvres qui continuent à paraître de manière assez importante. Mais bon, il y a pas de raison d'être. Je pense spécifique, effectivement, il y a surtout des moyens d'organiser des choses, effectivement, à minimum sur l'internet et de coordonner des choses qui ne renoncent à rien, je dirais, sur le fond. Quoi. Après, peut-être dans le domaine français, on est moins habile à se coordonner, peut-être ça, c'est possible, effectivement, on est plus des francs-tireurs. Alors, comment on écrit sur le cinéma d'animation? Parce que ce qui est beau aussi avec le livre de Marcel Jean, c'est que. En fait, on parle depuis tout à l'heure de cinéma et de dire attention, le cinéma d'animation doit bien aussi parler de cinéma. Et finalement, il cite dès le départ Mingus, Dolphy, donc il parle de jazz et notamment de free jazz. Et je me disais, est-ce que justement l'animation, on est content dans l'animation de pouvoir dire que c'est un cinéma aussi, c'est un art qui mélange finalement énormément d'art. Il n'y a pas aussi cette obligation finalement de ne pas rester sur un langage cinématographique théorique comme il y a pu avoir, Bernard Metz, etc. Tous ces gens et qui ensuite, ou Bazin, qui nous ont fait avancer. Pour, en tout cas, voilà, évoluer par rapport au cinéma. Mais là, peut-être. Christian Metz, pardon, excuse-moi. Merci. Tellement longtemps que je n'ai pas lu. Est-ce qu'il n'y a pas l'obligation, finalement, pour peut-être des écrivains sur l'animation, de parler. Ben voilà, quand on parle de McLaren, de savoir aussi parler musique Marco ou Francis, qui n'a pas parlé depuis. Vas-y. Francis après. Très brièvement, quand j'enseigne, j'ai le plus souvent des gens qui... j'ai quelques étudiants qui sont en film studies, donc en études cinématographiques, mais la majorité des étudiants sont des étudiants en animation. Et les étudiants en animation ont la particularité de s'enfoncer tellement dans leur travail et dans leur prédilection qu'ils perdent un peu contact avec le réel. Et moi, je m'efforce dans le cadre de mon enseignement de faire le plus de références possibles, le plus de liens à d'autres formes d'art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, les arts visuels, le cinéma de prise de vue réelle. Et pour moi, c'est important et je pense que l'animation a besoin de cet entrelac d'être en lien, d'être en phase ou de se comparer à d'autres disciplines artistiques de façon à ne pas, de façon à pouvoir vivre et être encore un art intéressant et stimulant. Et finalement, est-ce que c'est passé à peut-être une des problématiques aussi? On disait tout à l'heure, et Hélène à juste titre disait, c'est vrai que de faire une histoire à une seule personne, c'est, enfin, on ne ferait pas ça dans le cinéma de prise de vue réelle, on ne demanderait pas à quelqu'un de parler plus souvent de Kubrick et de Kitano, par exemple, c'est tellement énorme. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la problématique de voir aussi parler tellement d'art et tellement de choses différentes dans l'animation qu'on se retrouve nous-mêmes quand on écrit, finalement, peut-être limité dans cette écriture. Marco, et puis je vois Ilan qui opine, peut-être Ilan. Ilan, oui. On est confronté, oui, bien sûr, à l'animation peut se retrouver au carrefour de tellement d'autres disciplines que voilà, c'est vrai que c'est encore, effectivement, on est confronté à ses propres limites, limites de ce qu'on peut faire en espace d'une vie. Hein, c'est vrai que, voilà, maintenant, pour le livre de Marcel-Jean, parce que je trouve particulièrement heureux dans son, et vivant dans son, dans son écriture, c'est quelque chose qui, moi, m'évoque le, vraiment ce que. Moi, j'apprends que c'est aujourd'hui, c'est lié de si près, si étroitement à son enseignement, mais ça me convainc parfaitement. C'est-à-dire qu'on voit bien comment les enjeux sont ceux de l'enseignement, c'est-à-dire le fait de revenir sans cesse sur les mêmes références, de les retravailler, d'essayer de les faire passer dans une dimension un peu performative, comme effectivement cette dimension un peu improvisée du jazz, mais avec des choses qui sont aussi obligées quand on joue un morceau. On le rejoue, on le modifie, mais on revient aussi à un certain nombre de choses qui sont déjà là, quoi. Et donc là, il y a ce travail qui est remis sur le métier et qui, enfin voilà, c'est vraiment, on voit comment il y a moyen d'approfondir une réflexion, de la nourrir, et toujours au service des films. Ça, c'est ça qui, que je trouve le plus enthousiasmant dans les textes. Marcel, c'est qu'il donne envie de revoir les films. Ça, voilà. Puisque vous êtes tous les deux profs, l'un est un petit peu arrêté, mais au Japon et l'autre, et en France aussi, parce que tu es prof à l'MK, Ilan et Marco au Canada, est-ce que l'enseignement, justement, est-ce que l'approche théorique, esthétique de l'animation est finalement très pauvre dans les écoles d'animation? Déjà, c'est-à-dire qu'on l'a vu dans les écoles aussi, prise de vue réelle, il n'y en a quasiment pas. Mais est-ce que dans les écoles d'animation, finalement, comme on disait, on est beaucoup dans l'approche technique, oui. Et que finalement, on laisse vraiment ce champ de réflexion sur, voilà, sur le matériau même d'animation presque nul, quoi, quelque part. Oui, à ma connaissance, la plupart des écoles d'animation chez nous sont des écoles donc de visant à former des artistes, des animateurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de formation théorique. Très peu ou pas du tout. Marcel Jean donnait le cours Histoire du cinéma d'animation de l'Université de Montréal jusqu'à tout récemment à cause de ses nouvelles fonctions, à cause de la charge de travail. Il a donc laissé son cours à quelqu'un d'autre et donc on attend. J'ai hâte de savoir qui donnera ce cours. Et le cours Histoire du cinéma d'animation de l'Université Concordia qui est donné le plus souvent par Bob de Tudici, qui est donc toujours actif, et moi, à l'occasion, je donne le cours en français. Mais à ma connaissance, ce sont les deux formations de ce type au Québec. Il y a bien entendu des études cinématographiques à l'Université de Montréal, à l'Université Concordia, à l'Université du Québec, et ce sont donc des formations solides et de qualité. Mais lorsqu'il y a de l'animation dans ces formations, ben, c'est un petit cours d'histoire de l'animation ou alors un invité ou une activité spéciale à la cinémathèque ou des trucs du genre. Et effectivement, les conditions ne sont donc pas favorables pour faire émerger des chercheurs, des penseurs, des théoriciens, des historiens sur l'animation. Et finalement, l'idée donc du réseautage est probablement une façon de déjouer cette difficulté. Je parle de réseautage donc entre les gens de la francophonie qui écrivent et s'intéressent à l'animation. Francis, par rapport aux écoles, tu connais un petit peu par rapport aux écoles en France, est-ce que finalement, on a beau dire, est-ce qu'on n'est pas gâté finalement en France avec toutes ces écoles et même si c'est très léger malgré tout, on a quand même quelques personnes qui travaillent et qui tentent un petit peu de montrer autre chose. Est-ce que toi, tu le ressens quand tu vois des films on a... C'est vrai que les films d'animation français marchent bien, on le sait bien. Tu parlais, on fait une interview ensemble sur la soi-disant French Touch de l'animation. Est-ce que ça peut venir aussi par rapport à l'écrit, le savoir qu'il y a derrière? Là, déjà, moi, c'est vrai que sur tout le champ, à la différence de Marco et Ilan, sur tout le champ, j'ai envie de dire scolaire au sens large du terme, moi, c'est un domaine que je connais absolument pas. Je donne pas de cours. J'ai pas non plus, effectivement, et alors peut-être encore moins. De cursus universitaire. Donc moi, j'ai tout appris sur le tas en lisant des bouquins, On parlait tout à l'heure, alors avec les réserves qu'il peut y avoir, hein, de l'histoire du dessin animé d'Olivier Code. Moi, je la prendrais juste en, un petit peu en exemple, comme ça. C'est que je l'ai trouvé, moi, à la médiathèque de la ville où j'habite. Évidemment, j'ai sauté dessus, je l'ai emmené chez moi. Alors, je la trimbalais dans le train quand je faisais mes allers-retours pour aller à mon boulot. Et donc, c'était très lourd dans le sac, mais je la lisais le matin, le soir en rentrant. Et j'ai été passionné parce que d'un seul coup, j'avais l'impression d'avoir une histoire qui m'était donnée. Et que c'était un ouvrage indispensable, même si j'entends effectivement les critiques qu'on peut faire sur les approximations et des choses comme ça. Et une fois, j'en avais parlé ici avec Olivier Cotte, et il m'avait dit, effectivement, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est bah, de réédition, non, et peut-être une réédition possible, mais a priori, ça n'a pas été le cas, en anglais. Et moi, je m'étais dit, bah, oui, super, mais du coup, ça extrait du champ plein de gens. Et ce que j'appréciais dans son ouvrage, c'est qu'il y avait un côté vulgarisation. Mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, quand même, ce qui est utile, y compris pour des critiques de cinéma, établies dans la prise de vue réelle ou dans le champ expérimental, parce que là, à contrario, je pense qu'il y a du monde, c'est des ouvrages de vulgarisation aussi. Et tout à l'heure, il était question d'une personne prenant en charge un ouvrage. Bah, moi, j'ai envie de dire, si, ça existe. Et alors, ça peut être sur un domaine spécifique. Quand on prend les livres de L'un derrière l'autre de Pierre Billard et Jean-Michel Frodon sur le cinéma français, je veux dire, on a le cinéma des débuts à l'avant-guerre, et puis après, de la nouvelle vague à aujourd'hui. Et les deux bouquins sont absolument passionnants. Et en plus, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils parlent effectivement des réalisateurs, des films, de l'esthétique, mais il y a aussi un environnement sociologique qui est donné, esthétique, économique, et je pense que ça, c'est important. De resituer l'économique. Alors après, effectivement, on pourra reprocher au bouquin de Jean-Michel Frodon qu'il y a une demi-page sur le cinéma d'animation. Mais voilà, alors moi, je suis pas vraiment capable de répondre à ta question. Alors, mais pour rebondir là-dessus, est-ce que justement, ce que disait Xavier tout à l'heure, est-ce que quelqu'un veut répondre, c'est le fait que finalement, on a du mal à avoir plein de textes, on a du mal à avoir un corpus de textes qui est énorme, et quand on travaille sur Karel Zeman, finalement, on a l'impression, en effet, de reconstruire un mur à chaque fois. Et finalement, ce qu'on peut reprocher aussi au texte d'Olivier Code, qui est très important, c'est des fois, dans les heures, presque d'y reprendre du livre de Bendadzi lui-même de temps à autre, et que finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a, encore une fois, ce travail historique d'aller fouiller. Je sais que toi, Ilan, par exemple, souvent à l'AFCA, essayer de trouver, de chercher des textes de plein de personnes et de travailler un petit peu, parce que toi, tu as une formation qui est plus universitaire, finalement. Et un peu plus universitaire. Pour l'animation, c'est exactement la même chose que Francis. Hein, je veux dire, j'ai aucune formation ni à l'histoire du cinéma d'animation, ni à l'histoire de l'eau. Je ne suis pas non plus effectivement historien au niveau scientifique du terme. Et c'est le cas de beaucoup de gens, je veux dire, dans ce domaine-là. On est dans le bricolage, quoi. On est dans la préhistoire. Moi, j'ai dû dire que tant que justement, les écrivains comme André Martin n'auront pas été publiés de manière intégrale, on sera dans la préhistoire. On n'aura pas franchi l'année zéro qui permettra éventuellement d'aller au. Voilà, on est dans une situation qui est assez inouïe, quoi, je trouve. Mais alors, puisqu'on pourra jamais les. Puisqu'ils ne seront jamais dit, puisque vous disiez qu'il n'y avait pas d'édition, il n'y avait pas d'édition, il n'y avait pas d'éditeur. Il y aura, pour le futur, il y aura sûrement une édition un jour ou l'autre des écrivains d'André Martin. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites autour d'André Bazin, etc. Sinon, effectivement, à ce moment-là, c'est pas la peine de continuer à parler de cette table. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'évoquait Francis sur le livre de Olivier Code, évidemment, c'est un livre qui a une importance, tu le disais, mais je veux dire, pour moi, le travail, la notion de vulgarisation n'est pas dissociable d'une exigence qui a effectivement au plus près possible des sources. Et c'est ce qui fait la valeur des textes, que ce soit ceux de par exemple, de Marcel Jean, qui est aussi dans cette logique, effectivement, de vulgarisation et en couvrant un domaine très large au niveau international, aussi bien en termes de cinématographie nationale que de technique. Bien sûr, c'est possible de le faire, mais c'est jamais acquis. Il y a la bonne vulgarisation, la mauvaise vulgarisation, on est toujours à cette plus ou moins bonne. Alors, il y a des gens qui font des critiques sur l'histoire du cinéma mondial, bien sûr, et qu'on peut citer effectivement en trois lignes les réalisateurs qui sont importants et défausser les autres. C'est toujours un exercice de hiérarchisation qui a ses limites. Et donc, et je pense que la plupart des gens qui se livrent à cet exercice sont conscients de ces limites. Je veux dire, Gianalbert de Bendati, quelles que soient les éditions, on voit bien comment à chaque édition dans une nouvelle langue, que ce soit la version française, la version anglaise, la version espagnole, il annote, il complète, il corrige. Donc il est bien conscient d'un certain nombre de choses. Et puis, bien sûr, il y a tous les gens qui lui ont fourni des informations de toutes sortes de pays, qu'il remercie de manière extrêmement importante au début ou à la fin du livre. Mais voilà, il travaille sur des sources de deuxième, de troisième main. Et ça, c'est un état de fait. Je veux dire, quelles que soient les qualités qui sont considérables vraiment dans son travail, c'est décisif, c'est prodigieux, c'est vraiment, voilà, c'est aussi une étape capitale. Mais ben voilà, après, c'est le moment de se dire qu'il faut peut-être essayer d'aller au-delà. C'est grâce à ce barreau-là que maintenant deviennent possibles des études qui soient moins indirectes. Donc, on sait que dès qu'on veut parler sérieusement des choses, qu'on veut faire une recherche qui soit digne de ce nom à leur regard, on est obligé d'aller au document de première main. Il n'y a pas d'autre solution, sinon on est toujours soumis aux malentendus les plus grossiers. Alors on a à peine effleuré plein de sujets absolument passionnants sur lesquels il faudrait travailler un petit peu plus longuement, mais le temps avance. Et j'aimerais avoir... Et on n'a pas parlé de critique. Alors justement, oui. Pourquoi il n'y a pas... alors ça tombe, il y a deux choses dont j'aimerais parler, c'est en effet ça. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que... On va parler des critiques. Juste une... Allez, on parle des critiques avant. On parlera ensuite des lecteurs. On parle des lecteurs après, parce que c'est quand même aussi important. Pourquoi, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que au festival, il n'y a jamais eu autant de critiques, il n'y a jamais eu autant de journalistes. Quand j'ai regardé la T-Network, là, enfin, il y a les listes d'invités, on a droit à tout. C'est absolument impressionnant et on se demande même si certaines projections, évidemment, sont faites aussi par rapport à tous ces journalistes qui sont là et qui veulent de la... Montessori University, des choses dont ils vont pouvoir parler finalement dans leurs journaux. Mais on a l'impression qu'en effet, ce que disait finalement Marc, on vient de venir là-dessus. Alors peut-être que là, les gens connaissent moins, mais on se connaît tous dans le monde de l'anime et il y a assez peu de critiques négatives ou de gens qui ont du mal à un petit peu... Ah, si, j'en ai une. Allez, j'en ai une, je l'ai amenée parce que je suis venu avec. Francis en fait. Va lancer. Alors, c'est Serge Elissal qui est dans un article de Prune. Ah oui. Donc bah, il va nous le dire, Serge Elissal, dans un article de Première, il y a quelques années, quand U est sorti, disait « il n'y a pas de critique en animation, moi j'aimerais bien qu'on me dise autre chose que bah, c'est un joli film, oui. Merci, ça va plaire aux enfants, mais qu'on me dise aussi bah, « non, là, la lumière, c'est pas ça, les couleurs, voilà, la mise en scène n'est quand même pas terrible », enfin, ce genre de choses. Alors, Francis. Non, mais c'est... En fait, je ne savais pas que je participerais à cette table ronde ce matin, donc je ne l'avais pas amené pour ça, mais je m'étais dit, comme cette année, exceptionnellement, je ne vais pas faire un compte-rendu du festival à Radio Libertaire, mais sur un site qui s'appelle Les Fiches du Cinéma, donc là, pour une fois, je vais faire un compte-rendu écrit, ce qui m'arrive rarement, mais je m'étais dit, en m'inscrivant, qu'est-ce que je vais aller voir ? Bah, évidemment, la compétition court-métrage, qui me semble quand même le cœur du festival, et puis, ne t'en déplaise, je vais aller voir les longs-métrages d'animation français. Et pourquoi ? D'abord, parce que je suis curieux, c'est ce qui se fait en France, et comme je vais être curieux sur les premiers films en prise de vue réelle, parce que c'est des gens que j'ai suivis dans le cours, que j'ai parfois porté, mais pas tout seul, hein, on est plein, mais qu'on a envie de continuer à voir. Le problème, peut-être un petit peu en France, et je fais juste rapide aparté, c'est que par exemple, bah, on va être très vite catalogué, on a des petites boîtes, et donc moi très souvent, bah, je sais que « oui, mais toi, t'es un spécialiste du court-métrage ». Putain, merde, quoi. J'ai envie de répondre ça, quoi. Et je le réponds parfois. Non, moi, je suis un spécialiste. Et d'ailleurs, est-ce que je suis un spécialiste ? Mais je m'intéresse au cinéma. Et dans le cinéma, ben, je m'intéresse à plein de choses. Et je les découvre à certains moments. Donc, l'animation, je découvre ça plus tardivement. Et là, j'ai envie de me jeter, de me lancer dans le cinéma d'animation. Mais j'oublie pas La Fille du 14 juillet d'Antonin Perez-Jacquot, par exemple, pour faire du buzz, quoi. Et donc je viens en me disant, mais il y a dans la lettre de l'AFCA du premier trimestre, il y a le texte de Serge Elissal, qui est peut-être en plus le seul texte, puisqu'il y a plein de polémiques en ce moment dans le cinéma, et donc il y a Vincent Maraval, producteur, distributeur de White Bunch, donc très connu, qui s'est plaint, parce qu'il s'était planté sur Astérix, que bah, les acteurs français coûtent cher. Donc un corpus là étonnant et passionnant justement là sur beaucoup de remous, oui. Oui, bah voilà, sur l'effervescence du cinéma, de réaction autour de son texte qui était publié dans Le Monde, mais bah là par curieusement rien, parce que sur l'animation, alors que les acteurs ils servent aussi dans le cinéma d'animation et qu'on va retrouver les mêmes acteurs bankable dans la prise de vue réelle, dans les comédies ou dans les blockbusters à la française, que dans les gens qui vont prêter leur voix pour la version française d'un film américain ou pour un film d'animation française. Et d'un seul coup, je reçois la lettre de l'AFCA et je lis à la dernière page ce texte donc de Serge Elissal, que je conseille vivement à tout le monde, qui qui lui s'interroge, pose des questions, dire bon, c'est bien, on est content, l'animation française se porte bien, on est précieux, on est reconnu, les films s'exportent, mais nous aussi, est-ce qu'on n'a pas des problèmes? Les problèmes, c'est quoi? Ça va être une infantilisation, et là, tu parlais, parlons aussi des publics, bah, lui, il met de l'infantilisation à tous les niveaux. Effectivement, peut-être chez les auteurs, peut-être chez les producteurs, où d'un seul coup, dès qu'on arrive dans le long métrage, même si on a fait des cours où on avait des univers sombres, eh ben on a un mal fou à pouvoir les passer dans le long, parce que d'un seul coup, on va dire, c'est l'animation, de toute façon, c'est un genre de cinéma. Grégoire Solotareff, il était venu une fois à l'émission, il disait, c'est le genre où on va avec ses enfants. Donc, bah voilà, c'est ce qu'on pense. Et puis, infantilisation peut-être aussi du côté du public qui va attendre de voir le nouveau Monster Academy. Et moi, j'ai eu... Alors, je ne suis pas allé à la projection de presse hier, mais j'arrive au bureau presse dimanche pour prendre mon accrède. Première chose qu'on me dit, puisque bon, y a moins de place, on ne peut pas être forcément à l'ouverture. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Mais on me dit, t'oublie pas, hein, 14h, y a la projection de presse de Monster Academy. Je fais, bah, je suis désolé si je vais oublier, parce que j'ai réservé pour voir autre chose. Je veux rattraper Pinocchio, je fais peut-être une erreur totale, mais en tout cas, je veux le rattraper, je veux le voir. Donc, je ne serai pas à Monster Academy, tant pis, quoi. Donc, voilà, et je trouve que le texte, justement, de Serge Elissalde, ce qui m'intéresse, c'est que d'un seul coup, il introduit une problématique et des dynamiques. Je ne sais pas, pas dans la main, mais j'ai l'impression quand même beaucoup moins de remous, par contre, malheureusement. C'est hélas. Oui, alors. Non, mais j'apprends l'existence du texte aujourd'hui, j'aimerais beaucoup le lire. Qui est intéressant, ben, ouais. Je t'en ferai une copie. Ouais. Sinon, peut-être juste un mot par rapport à. On en avait parlé à Meknès déjà. Pourquoi cette absence, enfin, pour le critique de la critique ou critique de l'absence de critique, enfin, bon, c'est que le terme de critique, de toute façon, le terme même, comme le terme de coordinateur, je veux dire, ça veut tout rien dire, quoi. Ouais. D'abord, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de critique? Est-ce qu'il y a différents types de critiques? Moi, j'ai fait ça, m'est arrivé par le passé de pondre des comptes rendus d'Annecy, par exemple. C'est pareil, on rencontre d'un événement, donc qu'est-ce qu'on fait? On peut parler d'un film sur deux lignes, trois lignes, enfin, c'est rien, c'est une espèce de critique d'accompagnement. C'est pas la même chose que justement d'aller creuser par rapport à d'avoir un travail critique sur un texte. Et donc voilà, on peut lui faire dire n'importe quoi, la critique, comme je disais par octade, le terme correspondant japonais, on a des critiques des paysages nocturnes, on a des critiques de on est électroménager, enfin voilà, on peut critiquer ce qu'on veut, effectivement. Tout ça peut exister, effectivement, mais est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est utile? Ce qui fait que la critique de cinéma a connu, effectivement, donc, le, comment dirais-je, l'impact et a apporté ce qu'elle a apporté en termes de culture cinématographique partagée aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été utile à quelque chose, à ses lecteurs. C'est qu'effectivement, elle a servi à quelque chose au moment effectivement, où il y a eu un effort pour être utile à travers effectivement, des textes par rapport à une écriture sur le cinéma. Et ça, c'est ce qui est effectivement... être le plus difficile à trouver en quantité effectivement suffisante pour l'animation. Alors Marco et Xavier, est-ce que puisqu'on n'a pas eu des cris, enfin puisqu'on n'en a pas eu finalement, est-ce qu'on en aura alors qu'il y a une crise, on sait bien du papier aujourd'hui, en tout cas de l'écrit à travers le papier, est-ce que le web peut d'un seul coup devenir, puisque là on n'a plus la problématique de se dire, ben, on écrit sur 2-3 lignes, on peut écrire sur 50 lignes sur un film, sur 300 lignes, sur ce qu'on veut, est-ce que vous voyez dans cette possibilité, ou alors est-ce que le web fait... comme tout le monde, enfin comme le reste, comme la télé, c'est-à-dire plutôt voilà, vendre, enfin ressasser des images quelque part et servent qu'à faire le buzz sur un film, ou est-ce qu'on peut peut-être avoir les deux, je ne sais pas, un équilibre entre les deux. Ben, je pense que si on avait fait une recension avant de commencer la discussion, on aurait probablement trouvé des milliers de blogs de critiques sur le cinéma et probablement que sur ces 1000 blogs, il y en aurait peut-être 20 ou 30 qui sont très intéressants, 300 très moyens et 600 pas très intéressants. Mais j'imagine qu'il y a des trucs formidables qui s'écrivent en termes critiques sur l'animation, sur le web, mais encore faut-il donc faire la recherche et trouver ces sites. Bon, tu parlais de Nicolas Tiss tout à l'heure qui écrit pour Écran Large. Nicolas, une belle plume. Bon, c'est quelqu'un que j'ai découvert l'année dernière et je pense que c'est bon, quelqu'un qui est intéressant sur le web. Mais si on parle, en tout cas, je prends un exemple chez nous, j'imagine que c'est la même chose ici. Si on parle des quotidiens de grand tirage, des hebdomadaires, des quotidiens dits de référence, bon, d'abord, l'animation, comme c'est le plus souvent du court-métrage, on n'en parle pas. Quand on a notre festival à Montréal, on travaille fort pour avoir ce qu'on appelle un pré-papier, donc un texte de présentation générale qui est une sorte de promotion déguisée consacrée à l'événement. Sinon, le long métrage d'animation, le plus souvent hollywoodien, est confié aux mêmes personnes. Et bon, ce sont des critiques dont les arguments sont le plus souvent assez standardisés, assez stéréotypés. Et bon, je fais de la caricature, je vais faire de la caricature un peu facile, mais lorsqu'on réussit à avoir quelques lignes sur, par exemple, le court-métrage d'animation, bon, il y a deux aspects du film qui sont le plus souvent mis en valeur. D'abord, que c'est un fantastique petit bijou, et ça, on le relie constamment. Et quand je vois cette formule, un petit bijou, j'ai le goût de sortir mon bâton. Ou alors, l'argument de la durée. Et ça veut peut-être que le film n'est pas intéressant, mais si le film, si la réalisation du film a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est formidable. Et ça, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup les critiques. Mais effectivement, dans ces quotidiens, ces hebdomadaires dits de référence, il y a une sorte d'inculture, une sorte d'incompréhension à l'égard de l'animation, que je m'explique mal d'ailleurs, parce que l'animation, c'est du cinéma. Et il y a le web, il y a ce grand océan du web dans lequel il est sûrement possible de dénicher quelques belles plumes, quelques bonnes perles. On va finir, Ilan et Xavier doivent partir. Hein? Donc Xavier, si tu veux répondre, et après j'aimerais poser une dernière question très rapide à Ilan, et après on vous laisse filer, on finira à tous les deux, à tous les trois. Oui, en quelques mots, l'article de Serge Dissag, il n'est pas publié dans le monde, et je pense que là on est tous les quatre, c'est-à-dire que ça va être une petite tempête dans la tribu d'Indiens ou de Couloir, pardon, dont parlait Ilan. Alors c'est utile, hein, je pense que c'est tout à fait utile à l'intérieur de ce champ-là, mais on voit bien la marge qu'il y a encore entre effectivement cet article-là, enfin la répercussion de cet article et l'article du Monde dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est très significatif, et à mon avis, web ou pas web, le problème reste encore la question de finalement la publication dans le champ critique d'articles de gens qui connaissent l'animation dans effectivement les organes de presse qui font référence. C'est-à-dire que si on veut faire avancer la critique, c'est certes dans la lettre de l'OFCAM, mais aussi avec le cinéma, dans le positif, etc. Et là, il y a encore énormément de travail à faire. Moi, je reste frappé, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même je vais être optimiste, je pense que les choses avancent un petit peu, mais on parlait tout à l'heure de notre aventure sur le cinéma d'animation japonais. On a vécu quelques heures assez savoureuses avec Ilan sur la réception que faisait la presse de l'événement, et notamment, alors des choses qui maintenant sont des évidences pour tout le monde, notamment la rétrospective de Miyazaki, où les premières de Shihiro, on a fait la première internationale de Shihiro, il n'y avait personne au niveau de la presse. Et puis effectivement, il y a eu l'ours à Berlin, et effectivement, après, on a fait des séances de rattrapage. Mais là, c'est pas... Parce que toute la presse est allée voir d'autres films, n'avait même pas vu le film de Miyazaki à Berlin, pensant qu'évidemment, il n'aurait jamais aucun prix. Voilà. Et donc, on voit bien ça, on voit bien le décalage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout d'un coup un prix apparaît, où tout d'un coup un auteur surgit, la presse s'y intéresse en forme de subisme, alors que tout était exposé, présenté dans un cadre, on va dire, quand même très légitime, qui est celui des formes des images. C'est pas n'importe quoi, on a vu. Finalement, la presse s'est intéressée, les distributeurs s'est intéressés vraiment en 2003, c'est-à-dire vraiment dans un suivisme total. C'est intéressant ce que tu dis sur le suivisme, puisqu'en effet, quand Château Ambulant était passé, je crois, à Venise, l'article de Libération avait parlé d'un film lynchien, et qui ensuite s'était retrouvé dans absolument tous les articles, parce que les gens avaient besoin de se rattacher à quelque chose et ne comprenant pas forcément ce qu'il disait. Ilan, parce que faut que je vous laisse filer. Ilan, juste une chose, parce que là, on a beaucoup parlé des écrivains, on a beaucoup parlé des gens qui écrivent. Au niveau des lecteurs, quand Chalet Pointu avait fait une librairie, les meilleures ventes étaient sur les artbooks. Et pas forcément sur justement des articles, des livres de théorie, des livres qui tentent d'expliquer ce qu'on a ce problème-là aussi en animation, c'est qu'on est dans ou des étudiants ou des animateurs, ou des gens qui sont dans l'image, qui veulent savoir comment c'est fait, que finalement, ils n'ont pas non plus beaucoup envie d'acheter. Il faudrait savoir. À la boutique du festival, si finalement ils n'achètent pas forcément beaucoup les écrits théoriques. Est-ce qu'on n'a pas ce problème-là aussi? Ça nous ramène aussi à ce que tu évoquais en question tout à l'heure par rapport à l'enseignement des étudiants. Je rejoins tout à fait ce qu'expliquait Marco, mais on a l'impression que des gens même qui sont en situation effectivement d'entrer dans un travail de créatif dans le domaine du cinéma d'animation, qui suivent des formations dans ce domaine-là, sont très peu friands de au-delà du lecteur lambda, eux-mêmes, tout ce qui relève de la théorie, de la réflexion un petit peu esthétique, et le fait de dire qu'on va se poser des questions un petit peu, c'est pas seulement que ça n'intéresse pas, c'est que la plupart d'entre eux estiment, sans le dire très clairement, mais que c'est quelque chose dont ils peuvent faire l'économie, dont ils n'ont pas besoin. Et ça, c'est une erreur, je pense. Enfin, bien sûr, c'est possible d'entrer dans ce chemin-là sans forcément vouloir prendre ce genre de bagage avec soi, mais à ce moment-là, il ne faut pas venir dans ce type de formation, voilà, par exemple. Déjà, il y a une contradiction. Mais oui, alors après, effectivement, le côté visuel très, très parlant de manière immédiate et là, ça peut avoir sur le terrain, bien sûr, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. Sachant que l'autre aspect relève effectivement d'un effort, d'un travail, d'une question effectivement de comment dirais-je. Si on considère que c'est une culture, effectivement, ça nécessite effectivement de creuser, de cultiver comme on cultivera la terre. Il y a une dimension d'effort, c'est pas uniquement une assaise créative ou simplement une forme de divertissement visuel. Si c'est autre chose, il faut aller dans ce sens-là, à l'échelle de chacun. Merci beaucoup, je vous laisse filer. Merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Ilan pour être venu à cette table ronde. Il nous reste de toute façon plus beaucoup de temps, mais on va peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions des étudiants sur qui lisent que des artbooks. Je l'ai fait exprès pour essayer un peu de vous. Voilà et tout, je me suis dit, ouais. Non. Ne nous donne pas une image comme ça, forcément, de gens compliqués. J'imaginais peut-être que ces modèles Pixar, dans ces temps plus créatifs qui allaient s'étendre, et au final, on a plutôt la dynamique inverse, c'est-à-dire un approfondissement des États-Unis et du modèle qui nous plaisait. Peut-être qu'on va se tourner après un peu plus vers d'autres choses, mais alors, pour l'instant, on restait focalisé plutôt sur ce genre. Marco, deux questions. Il y a une question pour faire sommaire, on va dire. La première question, c'est est-ce que finalement, on ne demande pas aux... Parce que là, on critiquait en effet les étudiants en disant ils ne lisent pas suffisamment de théorie, mais est-ce qu'on ne leur demande pas aussi en animation de tout faire? Et même d'être, comme je dis souvent, d'être aussi bien monteur qu'acteur, et donc en plus théoricien. Est-ce que ce n'est pas beaucoup, finalement, ce qu'on leur demande? Écoutez, je suis pas familier avec le contexte dans lequel vous étudiez. J'enseigne, donc pas sur une base permanente l'histoire de l'animation dans le cadre des études cinématographiques à l'Université Concordia. Vous faites référence à une problématique que je ne connais pas. Bon, évidemment, il y a 24 heures dans une journée et puis on ne peut pas tout faire. Ça, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'ai fait bon, de façon peut-être un peu sarcastique, c'est que je reprochais, ou je reproche à l'occasion à mes étudiants, une espèce de d'absence de curiosité ou de paresse intellectuelle qui... et c'est peut-être d'ailleurs assez typique ça, du monde de l'animation lui-même. On sait que l'animation est un art très accaparant et au-delà de la réalisation du film, au-delà de la production du film, et on sait que c'est, bon, c'est lourd, c'est chargé, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie. Il y a une sorte de... d'autarcie. Finalement, il y a une sorte de retrait du monde qui s'opère. Et pour moi, une création, une œuvre, un court-métrage intellectuel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou tout autre type de film, pour moi, doit être nourri des arts, doit être nourri de ce qui se passe dans le monde, doit être nourri de l'actualité, doit être nourri de l'histoire, etc. C'est peut-être pas la réponse la plus géniale que je pourrais donner, mais c'est l'idée que je voulais transmettre. Non, mais c'est intéressant, Marc. Juste, en effet, ça veut dire que qu'on fasse un film de Pixar, qu'on fasse un film de Christian Andretti ou de Taylor Chef, finalement, on a besoin de lire beaucoup, en tout cas, de se nourrir énormément, finalement. Là, ce n'était pas prévu, évidemment. Et bon, on pouvait arrêter la poudrière, je me demandais. Des gobelins, par rapport à la poudrière. J'ai un truc atroce à dire. Mais pas par rapport à la poudrière. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place aussi. Alexis devient populiste en ce moment. Un peu ça. Je pense que, premièrement, il faut avoir une curiosité, c'est évident, et je pense que les étudiants l'ont d'une manière via Internet, des fois, qui leur permet d'avoir visuellement des choses qui, pour nous, qui ont une culture, mais ils n'arrivent pas à la nommer. Oui. Donc, quand on rediscute de choses, on dit, mais tu connais, je pense meilleur, il dit non. Et puis après, on dit le film, il dit oui, bah oui, effectivement, ça je l'ai vu. Donc, je crois que c'est un classement qui est plus dur à opérer. Et puis, l'autre chose, après, c'est vrai que j'ai envie que les étudiants ils aient une culture, mais pas des fois qu'ils auto-analysent leur film en permanence. Parce qu'après, on rentre dans quelque chose où il y a un travail de créateur, et puis après, il y a un travail de critique qui a une distance et qui peut faire une analyse du film. Et des fois, j'aime pas quand les étudiants, alors j'ai mis cette image parce que je veux dire ça, et au moment, sans dire, mais fais un film, quoi. Puis il y a des choses qui sont de l'instinct, on peut pas nommer. On voit que ça revient dans les films et que l'étudiant n'arrive pas à le nommer. Mais je crois que les créateurs, ils ont beaucoup de choses de cet ordre. Et puis après, il y a des gens qui font. Et effectivement, je trouve que de l'autre côté, on manque au niveau de l'animation d'un sens critique. Je trouve qu'on est beaucoup dans. Quand on lit des choses, on a mis tant d'années pour le faire, on a utilisé tant de crayons, ce genre de stupidité. Après, de dire où est l'enjeu cinématographique. Et c'est vrai que c'est un monde petit, donc on n'aime pas être méchant entre nous. Méchant, c'est pas le mot, mais c'est vrai que la critique n'est pas évidente. On arrive à le faire quand on est tête à tête, mais de l'écrire, c'est dur, parce qu'on connaît, on sait le travail que c'est derrière faire un film d'animation, qu'il y a beaucoup d'enjeux, et puis on pourrait donner le sentiment qu'on démonte quelque chose comme ça. C'est vrai que je trouve dommage qu'on n'ait pas un rapport plus comme dans le cinéma, quoi, dire un moment, voilà, il y a ça, il y a ces choses-là, et puis on en parle, et puis chacun donne son avis, c'est simplement ça. Bah oui, peut-être aussi un petit peu. C'est vrai que là, on a pu donner l'impression de charger un peu la barre pour les étudiants. Donc moi, j'ai envie de les rassurer quand même. Et puis de dire que finalement, peut-être ce qu'on vous dit, vous êtes finalement un peu auto-centré. Parce que effectivement, ça c'est juste, ça prend énormément de temps en termes de travail, d'acquisition d'une technique. Je pense que c'est aussi le même reproche qu'à une époque on pouvait faire à des gens qui faisaient de la bande dessinée. Mais en même temps, j'ai envie de dire que des étudiants qui vont aller à la FEMIS ou à l'ESRA, ils vont pas forcément avoir un bagage, y compris par rapport au cinéma, sur l'histoire du cinéma, si dense que ça, et que certains profs peuvent être surpris d'un seul coup, de leur faire découvrir jusqu'au nom, alors je vais exagérer exprès, de John Ford. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément réservé, je crois, à l'animation, ça prend juste une dimension différente. Et puis, peut-être par rapport à cette évocation de scénariste, moi je sais que je connais des gens donc, qui sont passés par la Fémis et qui faisaient de la prise de vue réelle, mais qui ont un parcours intéressant parce que c'est des gens qui s'intéressent, qui ont un projet de long métrage d'animation, alors que ce ne sont pas du tout des animateurs, ce sont deux filles. Une est scénariste, l'autre est monteuse. Elles ont fait ensemble un court métrage qui a très bien marché, qui s'appelle C'est gratuit pour les filles. Et elles sont sur un projet qui, pour l'instant, n'a malheureusement toujours pas abouti, deux films d'animation. Et peut-être après, alors là, moi, comme je suis complètement naïf et à côté de tout par rapport à la partie scolaire, moi, je me dis que, et sans doute que ça existe, c'est le cas peut-être à la Poudrière, mais peut-être qu'il va falloir à un moment, entre école, je dirais, de prise de vue réelle et école d'animation, que peut-être aussi il y a des échanges, des journées de rencontres, des journées où on vient, je ne sais pas, les étudiants de la Poudrière, effectivement, montrent leurs films à des étudiants de la Fémis qui font la même chose dans l'autre sens, et que peut-être ça va créer des dynamiques, et surtout, ce qui est quand même important, des passerelles entre les deux univers, car même s'il y a un intérêt de la prise de vue réelle pour l'animation, ça reste ce qui a été dit par tout le monde ici, mais sur oui, le nombre d'années que ça prend, à quel point c'est impressionnant visuellement, parce que les trois quarts des gens de la prise de vue réelle sont béotiens de ce côté-là, et donc évidemment ont une très forte impression. Et moi je me rappelle que même entre critiques de cinéma, des débats pour donner un prix, pour porter un film, moi je pense par exemple à un film que j'aime beaucoup qui est Mailing, pour faire en sorte que ce film ait un prix, un critique m'a dit « Mais pourquoi t'aimes ce film ?» Et moi, j'ai dit « J'aime ce film parce que d'un seul coup, dans Mailing, j'ai un sujet qui n'est pas forcément un sujet d'animation au sens strict du terme, qui est un sujet sur l'attente, sur l'évanescence, sur la paresse et qui me fait énormément penser à Usha Oshien. » Et là, d'un seul coup, ça s'ouvre et on dit « Ah ouais, d'accord, alors oui, effectivement, c'est... Ah ouais, c'est génial comme film et tout. » Parce que voilà, d'un seul coup, il y a un parallèle. Et il y a un film qui est présenté cette année en compétition, qui est Le banquier de la concubine, qui pour moi est un film absolument magnifique, parce qu'il est magnifique visuellement, mais aussi parce que d'un seul coup, par rapport à des films en prise de vue réelle, j'ai l'impression que Efangwe, en un quart d'heure, me tire la substantifique moelle de La Cité interdite, et qu'un réalisateur comme Zhang Yimou, qui est aujourd'hui un réalisateur emblématique, je dirais, du régime chinois, va me mettre deux heures à grand renfort de figuration et de moyens pour faire Hero, alors que là, d'un seul coup, j'ai la substantifique moelle, et que peut-être l'animation, c'est quelque chose aussi qui va me donner des substantifiques moelles comme ça, et c'est ça que j'ai envie de retrouver. C'est là où on sent le vrai journaliste, parce que les fans, normalement, si elles trouvent la salle, devraient être là d'ici un quart d'heure. Comme ça, tu pourras t'en servir. Donc, on a fait les copains, la Poudrière, on va passer à Rubik. Non. À l'époque, c'était Superfocom avec Hélène qui a fait de Rio d'Arménie, qu'on avait présenté l'année dernière et que je vous conseille de regarder. Il passe sur France Télévisions bientôt. Donc, regardez-le. Mais elle a une question. Oui, moi, je rejoins Marco qui disait que les élèves sont fainéants et au niveau intellectuel, qu'ils ne cherchent pas, qu'ils ne fouillent pas. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup ressenti pendant les études. Je suis en train de me faire une réputation horrible auprès des étudiants ce matin. Des élèves qui sont curieux, il y a un manque des écoles aussi de répondre à cette demande. Enfin, à Supercom en tout cas. Sauf que ce qu'on disait, c'est est-ce que finalement faire des effets spéciaux, même pour le Seigneur des Anneaux, comme disait Marco, ça ne demande pas aussi une réflexion et finalement. Ouais. Et peut-être que on a souvent trop tendance à dire il y a le commercial d'un côté et il y a finalement le soi-disant l'auteur. Et je dis souvent, le commercial devrait être aussi intelligent, en tout cas même beaucoup plus que l'auteur, puisqu'il vise beaucoup plus de monde, donc il devrait y avoir même encore plus de réflexion quelque part, non, sur le. Sur finalement ce qui est commercial, comme on dit, et grand public. Je pourrais faire une critique comparable, mais à l'inverse. J'avais le cas d'un étudiant qui aimait beaucoup les techniques d'animation traditionnelles. Et dans un travail, l'étudiant en question me dit quelque chose du genre « j'aime pas ça parce que ça ressemble aux jeux vidéo ». J'ai dit « mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Vous faites référence à quel type de jeu vidéo? Et pour vous, l'esthétique des jeux vidéo, c'est quoi? Il ne faut pas prendre des clichés comme ceux-là. Il faut essayer de comprendre. Et là, du côté donc, d'un étudiant qui avait une nette préférence pour les techniques d'animation traditionnelles, je voyais un préjugé, une paresse comparable, une paresse intellectuelle comparable. Moi, j'ai fait Superfocom en me disant je vais faire de la 3D, c'est ce qui marche aussi pour trouver du travail. Mais maintenant, c'est pareil, je jure que par la 2D. Mais c'est une préférence technique, mais je vois la 3D comme au service du cinéma et de raconter une histoire. Je ne le vois plus du tout comme un médium, justement une performance technique. C'est juste un outil de plus, comme on utiliserait une caméra pour tourner un film. Ouais, j'avais une question parce que je me disais que est-ce que le fait que. On va attendre le micro. Est-ce que le fait que les critiques soient faibles ou pas poussées vient pas du fait que les personnes qui les font ont justement ce manque de culture ou ce manque de curiosité qui fait que du coup ils sont obligés de se retourner vers la durée du film ou les années que ça a pris, la technique Pour répondre effectivement sur. Enfin, ce que je connais de la petite planète critique en France, c'est sûr, et moi le premier, on n'a pas les outils techniques dans le sens où effectivement, on ne l'a pas fait. Alors, on pourra me dire, mais c'est la même chose, tu n'as pas fait de film en prise de vue réelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup sont passés par une formation universitaire, et dans le cadre de cette formation, évidemment, on a appris à voir et à réfléchir sur des films en prise de vue réelle, donc du coup, ils savent ce que c'est qu'un travelling. Ils savent plus ou moins comment on peut travailler sur des éclairages, la profondeur de champ. Donc, et des questions finalement que peut-être ils ne se posent plus au moment où ils vont être face à un film d'animation, parce que d'un seul coup, ils vont être face à cette technique, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit effectivement à l'ancienne ou plus récente, mais qui va systématiquement les impressionner parce qu'elle dépasse leur champ de connaissances. Et c'est vrai que c'est la même chose pour moi. Après c'est faible, mais c'est faible comme ça pourra l'être aussi, moi j'ai envie de dire, dans la prise de vue réelle, parce que depuis tout à l'heure, là, effectivement, pour l'animation, c'est difficile d'exister dans des supports. Alors, j'ai plus envie de dire encore plus dans Studio Ciné Live ou Première, même s'il y a Studio Ciné Live, il y a quelqu'un comme Xavier Le Herpeur qui adore le cinéma d'animation et qui va en parler d'une manière, j'ai envie de dire, plus passionnée, mais pas forcément technique. C'est dur pour le cinéma d'animation, mais c'est dur aussi pour la prise de vue réelle quand on fait un premier film ou quand on est un auteur pas très bien identifié. Et le suivisme, il a existé effectivement sur Le Voyage de Chihiro, parce que Ours d'Or à Berlin, mais le suivisme, il a existé aussi sur Tabou de Miguel Gomsch, parce que Tabou a aussi un Ours d'Or à Berlin et tout le monde se dit « Oh putain, Miguel Gomsch, il faut aller voir !» Et effectivement, là, d'un seul coup, on se prend le film dans la gueule, on fait « Ouais, j'ai pas aimé forcément ce qu'il a fait avant, mais là, celui-là, il y a une réflexion, et puis en même temps, il y a une maîtrise du cinéma et un récit qui nous porte. Et le suivisme, il va être partout. D'abord parce que y a un problème de la presse, hein, général, mais peut-être plus spécifique sur le cinéma, c'est que si quelqu'un parle de quelque chose, il faut que les autres en parlent, parce que sinon, les lecteurs, on imagine qu'ils vont vouloir aller retrouver ce qu'ils attendent. et que du coup on prend plus forcément le risque à aller parler d'autres choses. Et à la fin de l'article de Serge Elissal dont je parlais, il parle d'un film donc, qui n'est jamais sorti en France, un film d'animation, My Dog Tulip. Évidemment, si demain, supposons, le film sort parce que finalement, coup de bol, on en parle tellement à Annecy que ça se retrouve dans la presse nationale, et qu'un distributeur courageux dit « Allez, je prends My Dog Tulip parce que j'ai vu, c'est vachement bien », et bien My Dog Tulip, ça va être difficile de le faire passer dans la presse généraliste. Ou alors, il se retrouvera comme un premier film français, par exemple, dans le cahier critique du début, sachant que maintenant, dans Première, il y a quand même des critiques qui sont faites en deux lignes. Pour dire on fait tout, et il y a les films, on les mentionne quoi. C'est les films, donc vous allez lire, en fait vous n'allez pas le lire, mais c'est le film, c'est la critique du film qu'on n'a pas le temps de critiquer. Donc au bout du compte, le problème il est le même, mais avec sans doute des proportions différentes. Et je pense qu'il y a aussi une éducation à faire, comme il y a une éducation demain, si sur le long métrage d'animation, on sort d'une case purement jeune public, eh ben, il y aura de nouveau une éducation à faire des critiques. Et ça a été, et je finis là, je promets, emblématique à Cannes, projection de presse de Valse avec Bachir. Donc on a la critique mondiale qui est là. Sur les Français, on a plein de gens qui sont connus, reconnus, tout ce qu'on voudra. Et les gens sortent de la projo. Évidemment, à la sortie de la projo, il y a toujours les caméras du festival qui viennent faire l'interview spot. J'en ai fait un une fois, c'est absolument hallucinant, parce qu'il faut réfléchir très rapidement et dire des choses très pertinentes, ce qui est dur. Et là, plein de gens, y compris des sommités, je vais citer des sommités comme Serge Toubiana, d'être face au film complètement incrédule, d'un seul coup ne pas savoir ce qu'il a vu et en même temps découvrir que le cinéma d'animation, c'est aussi ça, ça peut être ça. Et là, vous avez une salle de journalistes qui sortent, qui se taisent en sortant, quoi. Bah voilà, moi je me tais aussi. Juste, Marco, tu voulais... Oui, en fait, auprès de la presse, il y a deux aspects qui vont faire qu'un film va bien marcher. C'est d'abord la question de la virtuosité et ensuite la question de la fluidité. Si le film est virtuose et si l'animation est fluide, les chances sont excellentes que quelques lignes ou même quelques paragraphes fort positifs vont être rédigés sur l'œuvre en question. Mais en même temps, je me demande comment un journaliste d'un quotidien réagirait face au film chinois qu'on a vu hier, Double Fricret par exemple, qui est une œuvre ouvertement surréaliste et qui met en cause précisément les notions de virtuosité et de fluidité. Qui a décrété un jour que la bonne animation devait obligatoirement être fluide et virtuose? Donc, bref, c'est un vaste débat. Je veux dire, on ne réglera pas le sort de la presse aujourd'hui, mais pour moi, c'est des questions qui sont importantes. Oui, alors, pendant deux secondes, après, par contre, une réaction. Et donc, ils sont arrivés ici, donc... Ah ouais, on va laisser. En fait... Pour revenir à ce que je disais, je pense que ce constat que vous faites est assez juste en fait. La question c'est pourquoi au final dans l'animation il y a ça. Et ce que je me demandais c'est est-ce qu'on tout ne se retrouve pas en une personne en animation, parce que les auteurs sont tous à la fois scénaristes, auteurs graphiques, donc directeurs de la photo, monteurs. Et je pense que moi je ne connais pas vraiment le milieu du cinéma traditionnel, c'était là où le retour était intéressant pour moi. Est-ce que dans le cinéma d'auteur classique, on n'a quand même pas plusieurs personnes qui se mettent vraiment à travailler ensemble? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça aussi dans le cinéma d'animation? Parce que hier, on avait des auteurs qui étaient là, mais ils étaient trois sur des films grand maximum, quoi. Donc évidemment, ils font tous tout. Et c'est difficile, je pense, de tout nourrir de façon équivalente. Et c'était un petit peu pour avoir votre avis par rapport au cinéma live. Mais est-ce que c'est pas la même chose pour nous, parce qu'il y a des réalisateurs qui sont théoriciens, vous avez Laurent tout à l'heure aussi, on voit de leur travail, comme McLaren peut l'être en animation, et d'autres qui finalement voilà, font des films aussi. Excusez-le. Est-ce que tu as quelque chose à répondre Francis, ouais. Tu fais plus aussi, en fait, tu fais vraiment très bien les deux. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est sûr qu'en animation, on a comme ça ce fantasme de l'artisan Donc qui fait tout du début à la fin, qui fait son meuble, quoi. Et il y a un bel objet qui sort à la fin. Alors quelle que soit la beauté de l'objet, hein, il peut être remis en cause, il peut remettre en cause les critères esthétiques. Et dans le cinéma traditionnel, donc live action, on va dire, bah, effectivement, l'auteur, c'est celui qui va réaliser le film. Mais la réalisation, bah, en France, donc dans la suite de la nouvelle vague, c'est de toute façon l'auteur, le réalisateur et le scénariste du film, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose aussi, on ne sait jamais, hein. Et il va maîtriser plus peut-être soit la direction de la photo, soit ce qu'on attend de lui. En fait, qu'est-ce qu'on attend du réalisateur? C'est qu'une fois qu'il a fait son scénario, son découpage, c'est qu'il ait les bons chefs de poste, qu'il sache aller vers les bons chefs de poste. Et ce qu'on va attendre de lui sur le plateau, c'est la direction d'acteur, de toute façon. Donc après, si il n'est pas bon sur tout ce qui est image, il va avoir le chef opérateur qu'il faut. Si le son ne l'intéresse pas plus que ça au moment du tournage, ben, l'ingé son qu'il faut. C'est vrai que peut-être il y aura moins cette sensation d'artisan, mais certains font beaucoup de choses. Pour revenir à notre débat par rapport au fait de l'écriture de l'animation, il y a aussi des livres sur la lumière, sur le son, sur la photo, etc. Il y a tous ces livres-là, ils sont, il y en a peut-être un petit peu moins, encore une fois, en animation, pour que ces gens réfléchissent. Et que souvent, les gens sont surpris de finalement faire de la lumière ou du son aussi sur un film d'animation. C'est presque la même chose. Il y a des choses évidemment un peu différentes, mais que de faire toute la prise de vue réelle. Oui, mais alors pour répondre à... Enfin, tenter de répondre, c'est pas une réponse, c'est un point de vue, quoi. Si on prend la stop motion, et notamment dans les pays francophones, on constate, et je sais que c'est l'exemple que j'ai cité récemment, que sur Max Enko, il y a plein de chefs de poste qui sont des gens qui viennent de la prise de vue réelle. Et chef opérateur, c'est Renato Berta. Renato Berta, c'est René, c'est Amos Gitaï, c'est Guédi Guian. Et qui, lui, d'un seul coup, vient parce qu'il se dit « Mais j'ai pas l'habitude d'éclairer ce genre de choses. Donc comment je vais travailler ça ?» Et à ce moment-là, les frères Guillaume, quand ils s'adressent à lui, bah, voilà, ils se disent « Prenons quelqu'un qui a l'habitude d'éclairer des acteurs. » Parce que finalement, en stop motion, qu'est-ce qu'on a ? C'est des acteurs aussi. Quoi. Donc je pense que... Moi, je reviens, je réinsiste à mon avis sur cette idée de passerelle et que peut-être justement, il puisse y avoir des vraies rencontres entre les écoles, mais au-delà effectivement de cette rupture animation live action. Et une passerelle aussi au niveau de l'écriture. Francis est génial, c'est pour ça qu'on voulait lier quelque part, parce que d'un seul coup, il parle de Suisse. Et donc, je me dis, pour finir ça, il y a George Disneyable dans la place. Ça y est, faut qu'il pose une question. J'aurais la chance d'avoir George Disneyable dans la salle. Je me disais que peut-être, George, tu peux dire, parce qu'il y a un livre qu'on a écrit sur toi. Le film a été critiqué ou pas critiqué. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important pour toi de finalement dire des critiques, ou est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de critiques de ton cinéma, que ce soit positif ou négatif, et qui rentraient en détail finalement dans ton travail? Non, c'est effectivement très rare qu'il y ait des critiques sur le propos du film, mais c'est presque toujours la technique, le temps que ça a pris, et les 10 jours que ça donne. Hein. On a besoin plutôt, effectivement, de critiques sur la mise en scène ou le propos, surtout. Moi, je suis autodidacte, comme la plupart des gens de mon âge, donc j'ai appris petit à petit, en faisant un film, comment faire le suivant, etc. Donc, je pense que je continue de corriger les erreurs, mais ça apporte beaucoup quand on a quelqu'un qui fait des critiques comme elles devraient être, justement sur ce dont vous parliez. Marco, vas-y, où tu veux. Ouais, très très rapidement, en fait, moi aussi j'ai une réflexion à formuler à la suite de ce que vous avez dit tout à l'heure. On parlait donc d'équipe, quoi, donc de collaborateurs, et spontanément j'ai pensé à Frédéric Bach. Bon, qui est le grand auteur, un des grands auteurs de l'animation, qui est donc une légende vivante chez nous. Et bon, Frédéric Bach, c'est l'artisan patient, consciencieux, ayant consacré donc de longues heures, je le dis sérieusement, de vraiment beaucoup de temps à la réalisation de ses films. Mais Frédéric Bach, c'est aussi un producteur qui l'a protégé à Radio-Canada, qui est Hubert Tison. C'est aussi un caméraman avec lequel Frédéric Bach a mis au point la technique de scintillement de la lumière très particulière dans ses films. C'est Claude Lapierre. C'est aussi un compositeur, Normand Roger. Donc, il y a des auteurs, bien entendu, il y a des artistes, il y a des artisans, mais il y a aussi, mine de rien, une équipe probablement, sûrement moins importante qu'en prise de vue réelle, mais il y a aussi, dans tous les cas, une équipe. Et ça, c'est un aspect également méconnu, je crois, chez les gens qui écrivent sur l'animation.